Il. ILES. Il. Il. Île où l'on ne prendra jamais terre. Île où l'on ne descendra jamais. Île couverte de végétation. Île tapie comme des jaguars. Île muette. Îles immobiles. Îles inoubliables sans nom. Je lande mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.